croisez un de ces matins, et que vous filez pour me faire votre baratin, vous pouvez me dire que j'ai une belle taille, ou de splendides cheveux de bataille. Vous pouvez demander pour qui je vote, vous pouvez demander pourquoi je rote. Il n'y a qu'une question qui m'empissette, où donc étais-je en 1837? Venez pas me conter vos histoires d'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, dites mot. Ne me posez pas de questions sur le hockey, parlez pas de politique pis c'est ok. Qui parmi vous est assez visionnaire pour m'aider à remplir mon questionnaire? Qui donc élucidera la devinette? Où donc étais-je en 1837? Moi qui trouve qu'il n'y a rien de plus poétique qu'une femme facteur qui trimballe sa boutique, qui va de porte à porte à petits pas. Moi le simple d'esprit qui ne vieillit pas, au lieu de me dire toutes sortes de balivernes, de me raconter des histoires de taverne, dites-moi plutôt la réponse que je souhaite, où donc étais-je en 1837? Moi le vieux nonchalant de l'infini, qui traîne un fond d'histoire indéfini, jusqu'où mon esprit clairvoyant ondule, en ne rencontrant que des incrédules. Je vous demande de vous approfondir, si vous n'avez pas grand-chose à me dire, faites un effort, servez-vous de vos lunettes, où donc étais-je en 1837? Docteur, ne vous en faites pas pour autant, parce que dans le fond de ma tête, ça parle tout le temps. Il y a longtemps que j'ai pris l'habitude de des voix qui poussent dans ma solitude, à travers toutes les grandes questions qui hantent ma salle de répétition. Il y a cette voix qui toujours me répète: où étais-tu en 1837? Où étais-tu en 1837? Où étais-tu en 1837? Lâche. Ouais, j'aimerais qu'on me crucifie. Maintenant, à cet instant précis. Il y a quelques... Arrête de pleurer. Oui, mais c'est parce que j'utilisais un stratagème. Oh, lequel? Ben, c'est de trafiquer. OK, vas-y. Ben, j'y vais. Ne t'en fais pas, j'y vais. Je m'en vais loin, tout de loin, un peu plus loin que l'Amérique. Je m'en vais loin, encore plus loin que l'Afrique. Je m'en vais loin, encore plus loin que Saturnin. Saturnin, comment la salle? Oui, parce que moi, c'est, je m'imaginais sur Saturne. Le Saturnin, le canard si chien. Parce que c'était le seul canard qui faisait ruff, ruff, ruff, après ça, coin, coin, coin. Oui, il était mêlé. Il a été croisé entre une chienne laboyeuse et une poulette larmoyeuse. Ça donne ça, là. Le petit Saturnin! Où est le petit Saturnin? Il n'est pas là. Il est absent, comme votre animateur, pour la soirée. Jusqu'à 2h du matin, c'est le néant qui s'occupe du micro. Et donc, l'anarchie est au rendez-vous jusqu'aux petites heures. Aux grandes heures. C'est comme les grandes rencontres. Faut jamais dire les petites heures. Avec moi, c'est toujours grand. C'est toujours archi-grand! Combien sur les archidichesses et les artuchesses sont à l'chèchesse ou à l'chèchesse? Monsieur, ça va faire une émission passablement laboureuse. Non. Ce que je voulais montrer au public, c'est que mon articulation va très bien. La preuve, deuxième prise! Non, c'est la première prise. Avant ça, c'était un préambule. Oh mon Dieu! Hey, moi, j'ai resté coincé dans le préambule 2 semaines. Il avait fermé la lumière. Non, c'est pas le préambule, mon cher monsieur. Non, vous, c'est un long corridor. Moi, c'est un corridor tellement noir que même Boulot Noir trouvait pas sa boule. Oh! Il trouvait quoi? Il trouvait tout sauf ça. Il roulait sa mousse. Il roulait ses émotions. Oh non, c'est pas vrai, je suis coincé. Mais c'était quand même assez étrange. Mais là, encore chose plus étrange, il y a 2-3 semaines, je vous parlais des gens qui disaient... en France, on dit quoi? On dit des choses. Je suis asthmatique. Ouais, ça va? Ça va bien. Non, nous, on dit dans le fond. Fais pas ça de main, c'est vrai, on est étourdi parce que c'est l'inspiration et la transpiration. Madame, vous êtes infirmière? Ah, moi, j'ai passé mon droit en infirmerie. Oui. Donc, je suis infirme de toutes les connaissances générales en sciences. Oh! Bravo. Merci beaucoup. On m'a placé à l'urgence. Pourquoi? Je suis un paquet. Un paquet? Un paquet de nerfs. Je cours à droite, à gauche avec des bras, des jambes, des dentiers. Il faut que je t'explique ça, mon petit numéro 1. Ah non, allez-y pas. Oh oui, j'y vais en avant la musique. Il y a 3 semaines. Comme à l'époque où tu disais... Ben non, c'est moi, c'est il y a 3 semaines. Mais c'est ça, à l'époque, il y a 3 semaines, toi, tu disais quoi? Dans le genre? Non, c'est pas dans le genre. Tu disais... qu'est-ce que je disais, donc? Ah, que la vie est belle, que non, c'est dans le fond. Dans le fond. Et en France, c'est quoi que. Non, c'est pas quoi que, c'est quoi là-bas? Oh non! C'est du coup! Ici, c'est dans le fond. Je me suis rendu compte, mon cher public, que cette semaine, et non pas jusqu'à épuisement du concept, là, mais cette semaine, pour les gens qui connaissent l'émission, ouais, c'est bon, ouais, on comprend pas. Ben ouais, mais depuis 8 ans, on comprend pas. Bon, OK. Mais il y a 2-3 semaines, hein, je vous ai parlé des expressions du coup et dans le fond. Cette semaine, j'ai mentionné 2 fois le terme dans le fond. Je me suis dit, ma lobotomie personnelle vient de commencer. Je me confonds à l'unicellulaire. Non, mais dans le fond, ben c'est comme ça, dans le fond. On peut comment ça, ma langue est sortie, dans le fond, c'est pas dans le bras, moi, là, c'est dans le fond. Alors, dans le fond, ça fait comme ça, puis si c'est comme ça, ben, je me sens pas comme René Lévesque, vraiment Lévesque. Parce que dans le fond, Raymond Lévesque est un être beaucoup plus intelligent que dans le fond. Oh! Et puis, du coup, si on continue comme ça, madame... Oui, c'est ça, moi, j'étais à l'urgence! Allez-y, madame. Non, mais ça presse pour elle, là. Vous voulez trouver des petits coins, c'est 3e porte à droite, monter l'escalier, hein? Il y a une petite glissade. Non, mais glycémie va très bien. Ah, je vais manger 3 palettes. 3 palettes de ce chocolat-là. On m'a dit, prends ce que tu veux, il y a au lait. Mon beau lait, avec au lait, tu viendras pas plus beau. Je n'ai pas compris celle-là. Et puis ça, il y a le chocolat noir. Oh mon Dieu. Il y a le chocolat presque noir. Il y a le chocolat blanc. Puis il y a le chocolat marbré. Ça, c'est noir et blanc. Là, c'est pas parce que tu vas ingurgiter tout ça, là, tu vas mettre ça en arrière de ta cravate, là, comme lui, c'est des petits pois blancs avec la cravate bleue. Oh, et tu parles de l'important. Oui, c'est lui. Mais il est son piano. Ouais, c'est... Les gens attendent le reste. Le reste. Ben, c'est... Là, je me suis dit à moi-même. Rénal, parce que je me prénomme Rénal. Je me surnomme le Cabotin. Le Cabotin! Le Cabotin qui sarclante entre les... Comment? Qui sarclante? Qui zigzague entre les routes. Ouais, c'est plus facile hein, que sarclanter. Moi, je me suis sarclanté, là, avec Germaine, il y a 25 ans. Il dit, ma belle chère, ma belle enchère, je vais te me calancher vers toi, ma douce aimée. Ah, là, mais ça, dis-moi, j'aime ça, les pouettes. Pouettes, pouettes, pouettes, pouettes, pouettes, pouettes, pouettes. Puis là, on s'est acheté une voiture. Pouettes, pouettes, pouettes, pouettes, pour aller en lune de miel. Même, monsieur, c'était plus de miel. On était collés un à l'autre. C'est pour ça qu'on dit, hein, c'est ça. On s'osmose. On se mosse, moi, voyons donc. Toi, ça va bien? Ça va très bien, Raymond. Raymond. Raymond va loin. Ah, non! L'incroyable, Hulk. Et puis là, j'étais collé, elle était collée, nous étions collés, vous étiez décollés puisque vous nous regardiez, bande de voyeurs, là. Et il y avait des longues vues partout. On s'est dit, hey, c'est des paparazzis. Est-ce qu'on vaut la peine d'être regardé avec autant d'intensité? Là, ma copine a dit, hey, ils t'ont reconnu. Comment ça? Je suis pas connu, moi. Ben oui, ils t'ont reconnu. Ben non, je suis pas connu. Ben, tu fais de la radio. Ben oui, mais c'est, hey, la radio, c'est pas visible, ça, là. Ouais, mais toi, toi, t'es spécial, là. Comment ça, spécial? Ouais, oui, t'es filmé. Hein, je suis filmé par où? Par qui? Par qui? Big Brother, depuis cet incorps, Big Brother est là. Il fait son chemin en traversant l'Amérique. Il a l'air de rien, mais t'observes bien. Car Big Brother a peur de rien. Big Brother, c'est son nom. On le crie. On est filmé partout. Par en haut. On voit ici ma petite calvitie. Ici, vous mettez plus vers l'avant la calanchée. Oui, si vous la calancheriez, si vous la calancheriez plus bas, vers mon regard, regarde, oui, je louche comme, oui. En voudrais-tu une bonne soupette? Ah, mon doudou, bonne louche. Alors, je me suis dit, hey, à force de dire, excusez-moi, j'ai eu comme une réflexion intellectuelle qui me disait, c'est pas normal. Bravo, ça va faire une bonne émission. Hey, à force de dire, du coup, après ça, c'est quoi? C'est dans le fond. Hey, je vais devenir comme tout le monde, moi, là. C'est la dernière chose que je voudrais qu'il m'arrive. La dernière chose! C'est sérieux. Très sérieux. Là, je veux pas que tout le monde se mette à rire. En disant, hey, il était, hein? Maintenant, il est comme tout le monde. Ben oui, comme tout le monde. Là. J'ai mangé mon hamburger préfabriqué avec du ketchup déjà composé à la tonne. Il est dispersé un peu partout sur la planète. Parce que de la sauce rouge, c'est de la sauce rouge. L'affaire est sauce rouge. Hey, ma boulette de steak à chier. Goûte comme un peu partout sur la planète. Que vous soyez à Moscou, à Limoilouse, ou en Partouze. À un moment donné, quand tu chiques, tu dis, hey, il me semble que... Non, je me retrouve à Nouvelle-Zélande. Oui, à Nouvelle-Zélande. Puis que, même, il me semble que mon hamburger a la même texture, le même goût, la même étrange saveur que celle que je mange à Québec. C'est de la vache québécoise, ça, là? Non, c'est du veau. Ah, c'est du veau. Oh, mon. Vaut mieux le savoir, hein? C'est pas drôle, là. Ça comprend. Là, je suis barré. Ben oui, mais moi, on peut pas me laisser entrer pour manger d'hamburger. Je suis barré. Ils m'ont barré partout. Ah, mon Dieu, parce qu'ils me connaissent. Ils disent, ils vont nous faire de la fausse publicité. Ils vont se foutre de notre gueule. C'est le sale connard de gauche. Et quand on est de gauche, ben, on n'est pas droite, hein? T'en parles souvent des directions. Ben, c'est important! Parce que être conscient de notre allégeance, c'est déjà une démarche intéressante. C'est déjà une démarche constructive pour l'avenir. Que si tu vas partout, ben, on nommera pas des individus ou des groupes politiques, là, mais si tu changes uniquement pour faire plaisir à. Tu dois être comme une girouette. Les girouettes, ça sert à signaler le vent, à signaler où va la majorité. Et là, si elle va vers là, moi, j'irai de l'autre côté. Alors donc, pour ça, Madame Thibodeau, Monsieur Lemieux, même Dion, vous pouvez me crucifier. Parce que j'ai presque mis à mon vocabulaire le mot dans le fond. Mais j'arrête! J'arrête! Je ne le dirai plus. Et pour ça, je tiendrai comme un drapeau. Non, c'est pas un drapeau, ça c'est... Un carton métallique. Voyons donc, oui. Un carton, c'est en carton. Ouais, mais le chanteur carton, il est-tu en métal? Non, est-il? Est-il en métal? Non, non, mon chanteur carton, le mien à moi tout seul, là, parce que les Raoul Petit, c'est mon groupe, là. C'est moi qui vous l'a fait découvrir. Hein, comment? C'est moi, OK, le groupe. C'est moi qui vous l'a fait découvrir. Découvrir. Découvert. T'as bien l'air de découvert. Ouais, mais je sais que mon compte de banque est à découvert. Je sais que Carton se découvre le torse. Et je sais que ses chansons sont à découvrir. Ah, oh, bravo! Parce que toute musique intelligente doit être entendue un jour ou l'autre. Et ce jour-là, ce sera dans quelques minutes. Vous mettrez dans cette contingente intellectuelle des Raoul Petit. Mais là, c'est pas ça, là. C'est mon ami Burgala. Bertrand Burgala. Mais avant tout ça, en ce beau 22 mars, je tiens à dire que même si on me crucifie, nous saurons toujours que le signe de croix a laissé sa place au signe de pièce. La belle grosse pièce. Celle qu'on a dans le portefeuille, puis qu'on est fiers. Hein? Moi, regarde, je prends n'importe qui, moi, là, là. Regarde-moi ça, là. Le gros bidou, bidou, bidou, bidou, bidou. Et ça, continue à jouer avec ton petit change, là. Regarde, moi, c'est les grosses pièces. Ça fait pas de bruit, c'est silencieux. On passe ça un peu partout. Dans les endroits sombres. Comment ça coûte, ça? 20 pièces. OK, t'as deux bleus. Bien sûr. Donne-moi en 5. Ouais, j'ai un petit brun. Oh, pas un brun. Un gros 100$ tout sale. 100 pièces. L'argent. J'suis heureux. Je suis pas malade. J'ai de l'argent. Quoi que, y'a pas un gars qui a travaillé dans l'informatique qui est mort du cancer? Y'a l'argent. Y'a pas pu gagner sa vie, lui? Il a gagné sa vie. Il a aussi compté sa mort. Alors donc, nous avons retrouvé des objets de luxe, tels que des soutiens moraux, des animaux visqueux, des ritournelles à grande langue et des amours périmés. Périmés, ce n'est plus bon. Le texte? L'émission. Ah oh, bon, ils en ont pas. Non, ils s'en sont même pas rendu compte. Monsieur le Président, sur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, faites-vous en pas, vous allez entendre la musique que je vous ai pas mis tout à l'heure dans quelques minutes, pas dans l'émission. Enfin, il reste quoi, combien? Une heure et quelques. Monsieur le Président, non, je tiens à rassurer le public parce que, hey, regarde-moi, là, t'es en train de signaler, là. C'est quoi le numéro de TQRL? 640-64. Où est le téléphone? Germain, où t'as mis le téléphone? Attends un petit peu, là. Raymond? Ouais. Je suis au réseau de contacts amis, amour et plus et affinités. Je peux-tu te rappeler parce que ma femme veut avoir le téléphone? Ben non, je suis pas ma... Je dis ma femme, c'est ma femme de ménage, ouais. Non, je suis pas marié. Voyons, je connais pas ça. C'est quoi le mariage? Hey, je peux... Non, attends, à la... Ah, attends, oh, la ligne... Ah! Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. Le court-circuiteur de réalisme, Rénald Le Néant, gagné. J'allais dire trembler parce que je sens le tremblement de bière, de terre! Comme les vers de bière, les vers de terre, voyons donc, toi, je les vois sortir de leur tanière. Il pleuve, il y aura de la pluie, point de soleil, ils ne cuiront pas. Ah, les pêcheurs seront là, la tête dans la terre humide, un peu comme le cochon. Ils vont dire où sont les vers? Il y a un verre. Ils cueilleront des vers comme on cueille des olives. Ils cueilleront des vers comme on cueille des oignons. Ils cueilleront des vers comme on cueille les fleurs. Il y aura les vers et le vert et le vert. Oh, c'est beau, ça. Surtout, il y a le vert, hein? Et le vert, et le vert, et le vert, et le vert. Ah, le 8. Janvier, le 8, le 8, plumerie. Je t'y plumerie la tête. Je t'y plumerie la tête. À la tête. À la tête. Alouette. Alouette. Ah, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Alouette. Madame Tremblay. Gentille alouette. Ah, collez-vous de l'entier, là. De la colle de... Oh, puis j'ai du... Ouais, j'ai de la colle blanche. Allez-y. Alouette. Je t'y plumerie. Bon, de deux, trois gorgées de colle blanche, c'est bon. Faites ça. Là, dans la maison, s'il vous plaît. Eh, à t'y plumerie la tête. T'as dit, à la tête. À la tête. Allez-y. Allez-y. Oui, oui, on arrête ici. Au revoir et merci. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne, et Woolf, ce n'est pas une femme qui a élevé des loups ou qui a cueilli des loups. J'ai cueilli des loups à travers les sentiers. Dans ma vie solitaire. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagé, Rénald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 22 mars 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en amende. Oui, je sais, il y a eu une césure, un arrêt provisoire. Enfin, je voulais savoir, public, m'écoutes-tu? C'est oui. Prends ton clavier d'ordinateur. Non, ne le tire pas sur ton conjoint ou ta conjointe. Place-le sous tes doigts. Sous. Attendez, clavier, si, prenez le clavier. Votre clavier est sous vos doigts. Et tapotez sur votre clavier. Oh oui. Hey, est-ce qu'on a le droit de tapoter un clavier, là? Est-ce que c'est légal? La police va-tu venir, là? J'ai gagné. Police de Québec. Vous tapez vite. Non. Vous tapez vite. Monsieur. Ouvrez la porte, monsieur. Vous tapez vite. Non, monsieur. Monsieur Gagné. Oui, on a vu ça, là. On vous suit parce que Big Brother est là. Vous tapotez votre clavier. Comment? Vous tapotez votre clavier. Vous pouvez-vous me l'arrêter? Ouvrez votre porte, on va vous le dire, monsieur Gagné. Vous tapotez votre clavier. Non. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Ben, j'écoutais le monsieur à la radio. Le monsieur? C'est KRL? Oui. Monsieur à la radio a dit, prenez votre clavier. Oui. Tapoter. Oh, OK. Avez-vous l'adresse de M. Gagné? Ben, c'est moi. Oh, OK. Alors, vous dites à votre public de tapoter et c'est vous qui tapotez puisque vous amenez comme idée de tapoter. Ben, tapotons ensemble. Est-ce que je peux vous tapoter? Non, tapotez pas, non. YMCA, tapoter. Non. Aujourd'hui, le vendredi 22 mars 2012, 2013, 2014, 2015, ça va bien, ça va vite, ça va très vite. Hey, 2017! Hey, il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, là, hein? Ils ont trébuché. Oui, c'est de la cendre. Oh, mon, le vent. Le vent l'emportera. Et en vent des dents. Le vent l'emportera. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Arrache les caracas, tu suis même pas le temps de pause. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Je suis très fâché, moi, là. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, hein? Atmosphère narrative. Unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, artiste multidisciplinaire. Pour la dernière fois ce soir, c'est là que les larmes arriveront. Bertrand, je ne veux pas te quitter. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout peut se fraterniser. Et de voir l'autant, de l'entendu et de l'entendu perdu. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. je voudrais savoir. Bertrand Burgala est un producteur, musicien, compositeur et chanteur français né à Bastia le 19 juillet 1963. Là, les gens vont dire, voyons, c'est pas Bastia, c'est Bastia. C'est vrai, Bastia. Né à Bastia le 19 juillet 1963. Fils de haut fonctionnaire, son père exerçait au moment de sa naissance la fonction de sous-préfet en Haute-Corse. Bertrand Burgala est élevé, selon ses propres termes, dans des palais. Durant sa scolarité, il découvre le rock et décide de faire carrière dans la musique. Musicien et producteur, Bertrand Burgala a travaillé sur plus de 150 albums composés pour le cinéma, la télévision, la publicité. Tricatel, la maison de disques qu'il a fondée en 1995, est entièrement consacrée aux artistes inclassables et aux objets hors normes. Peut-être un jour produiront-ils mon émission. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui, oui, oui. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien. Bref, place à l'envoûtement. C'était très bon depuis le dernier mot. Et en avant, la zizi. Sexy

Je n'ai jamais eu la gratelle. Je ne l'aurai point. Enfin, avant l'éternité. Ouais. Vous le saviez, vous, monsieur, que nous ne l'aurions pas, cette... Ouais, OK. Il y a loin, lui. Avez-vous le loin un peu loin? OK. Vous pouvez pas nous dire un peu à quelle profondeur, là? Oui. Oh, attention, là. Le noyau, le millimètre, millipuits. Millipuits ou millimètre? Vous êtes dans le millimètre, vous, hein? OK. Plus mètre ou milli? Ouais, quoi? Milli? Oh! Moi aussi, je l'ai rencontré la semaine dernière, Milly. Elle m'a dit que vous n'étiez pas très, très régulier, hein? Ouais, vous le saviez vous aussi, hein? Mm-hmm. Vous êtes un homme très, très gentil, très doux. Oh! Oh! Il n'est pas doux! Il n'est pas dupe non plus. Êtes-vous doux ou dupe? Êtes-vous dû pour le doute ou êtes-vous dû pour le dupe? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Vous n'avez rien compris? OK. Envolez-vous, monsieur. Jusqu'à la saison prochaine. Attention. Excusez-moi, je me remémorais un peu comme il y a quelques années, c'était Prions à l'église. Hein? Je vous salue. Mais moi, c'est les fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi, je la connais bien, mais si ce soir. On me demande, il y a des gens qui oseraient me demander quelle fable de La Fontaine te mettrait en périple. Ce serait le corbeau. Le renard et le corbeau. Le corbeau et le renard, d'après Jean de La Fontaine. Je suis plus ou moins certain. Même très, très moins que plus. Là, ça me tente comme là de me lancer là-dedans. Là, Rita veut pas placer la toile. Mais non, c'est le filet. Le filet. Excuse-moi, la toile, le filet, c'est la même chose. Mais non! Le filet, ça dit trop. La toile, ça pas trop, c'est en plastique. Oh! Êtes-vous certain? Non, je suis certaine. OK. Certaine. Vous avez changé. J'ai très changé. Moi non plus, ce n'est pas changé. Moi, j'ai changé. Mais on le sait, vous avez changé. Vous, là, c'est pas... Je veux faire une imitation. Je communique avec les Iglesias. Oh, Eric! Non, Olius. On n'entend plus parler d'Olius Iglesias. Qu'est-ce qui se passe avec Olius? Olius. Olius. Célénane. Toi et moi, pour Léon Foire. Pour le fioul. Pour le Foire du Lous. Et si nous Foireaux sont du Lous, ce serait peut-être mieux que. Wally Nelson et Elias Iglesias, ça pourrait être Elias Iglesias et Vidal Gagas. Et croyez-moi, ça rigolasse de l'argasse avec Slas. Iglesias le soir, Gagas le matin. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Là? C'est un code entre grande romantique et grand romantique. Là. Les romantiques, c'est à l'époque des romantiques, à l'époque. À l'époque de la bonne chanson, on était tous au salon, dans le premier avec ma mère. Okay. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Là, c'est sérieux, là. Pendant 35 minutes. Non, 20 secondes. 20 secondes, OK. Alors, on est sérieux pendant 20 secondes. Monsieur, êtes-vous prêt? OK. Top chrono, pourriez-vous, monsieur, toi, t'es vert, ben oui, mais là, je sais pas, cette émission-là, là, normalement, dans la vraie vie, parce que là, c'est pas la vraie vie, ce qu'on dit là, c'est de la fausseté à volonté, là. Ah, arrête la volonté, mais j'ai pas de volonté. J'en ai jamais eu de volonté. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, je cherche ma respiration à travers ma babine masculaire et la babine fasculaire. Masculaire, vasculaire, masculaire, vasculaire, masculaire, vasculaire, ta ta ta ta, masculaire, vasculaire, masculaire, ta ta ta ta. Oh non. Et c'est arrêté. Comment ça va coûter, ça, si on veut le faire? Est-ce que c'est on fait ou on, la réparation, comment ça coûte? Ah, oh, ça va. Je sens les sous descendre. On va. Peux-tu appeler le réparateur? Parce qu'on va essayer. Ah ouais, vas-y, tente de le remonter. Remonter quoi? La boîte à musique? Mais ça monte pas. As-tu de technicien en ligne? Là? Compose numéro de technicien, d'urgence, technicien, c'est pas sécurel, appelle. Oh, voyons donc, toi! Hein? Affole-toi pas, calme-toi. Bon. Prends deux grandes respirations par la buccale. Bon. Termine ça par bon, le facial. Non, on appelle ça les pores de la peau. Bon, faut que ça. Non, est-ce que je dois expliquer tout ça là, au public? Ils savent, eux autres, là, quand ils doivent se calmer, ils prennent de la camomille. Hein? Ils écoutent du Fernand Gignac. Donnez-moi les roses, mademoiselle, quand je rendez. Ou sinon, c'est Patrick Normand. Quoi? Non, c'est pas parlé. Le sang se trémit. Le cœur vient. Ou peut-être. Patoff. Oh, Patoff. Oh, Patoff. Là, le technicien, as-tu le numéro du technicien? Bon, monsieur? Oh, monsieur. On vous réveille? Il est 1h du matin? Vous dormez bien, hein? On est là pour vous réveiller. Ouais, OK. Là, on a un problème. La boîte à musique s'est fermée la bouche. OK. Là, je tiens à vous dire, là, j'ai regardé la facture. Vous nous l'avez réparé, remonté, il y a déjà 3 semaines et demie. Comment ça s'est arrêté ce soir, là? Dites-moi, là, est-ce que c'est un mécanisme étrange? Hey, tout est étrange ici, même le mécanisme. C'est quoi, c'est pas des rouages puis des chaînes, ça? Bon, vous les avez huilés? OK, vous les avez tendus? Il me semble que vous êtes détendu, vous. OK. Pourquoi ça s'est arrêté? Avez-vous une solution? Oh! Hey! J'aime ça, moi, là. Pouvez-vous nous dire ça à distance, monsieur? Voilà. Voilà. La magie est passée par là. Aïe, aïe, aïe, que ce fut dur! J'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat. Le technicien est passé par là. Laissons-nous suggérer à moi et à mon ami Bukowski un mot, une phrase. On y va dans le bois de la phrase. On vous a réveillé, monsieur? On vous tient, on vous tend en haleine. Ça se dit pas se tendre en haleine, là, c'est tenir en haleine. Ben oui, nous on tend. Peut-on vous tendre? Il nous l'a dit. On peut le tendre. Hein. Pouvez-vous attendre? Bon, c'est merveilleux. Pendant quoi? 2-3 semaines? Vous allez rester somnolent comme ça? Comme tous les Québécois moyens. Yes, on aime ça, hein, les Québécois. Il doit aller travailler. 2h30. 40h. Il y a une paye. Ils ont une femme. Des enfants. Les enfants, ça pleure. Ouais, réveille-toi, la femme. La femme, tes enfants pleurent. Mais c'est pas mes enfants, c'est nos enfants. Mais rien d'autre, oui. C'est pas moi qui ai accouché, là. C'est pas moi, ces enfants-là, là. C'est quoi, c'est ridicule. Ben oui, mais c'est qui a eu du plaisir? Ben, c'est pas moi, là. J'ai pas eu de plaisir là-dedans. Qu'est-ce qui a eu de plaisir, là? Ah, voyons, on a des enfants accouchés. Aïe, aïe, aïe, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe, l'épidurale. Aïe, non, c'est toi. Tu te rappelles plus? Hey, arrête donc! Passe la cassette, Rita. Passe la cassette, elle va s'en souvenir. Hey, tu vois ce que? Les enfants, c'est à deux. À deux. À deux quoi? À deux doigts de nous amener une certaine compréhension de l'existence? Non. C'est tes enfants. Ben voyons donc. Arrête de dire ça, toi, là. T'es en quoi? T'es en communication avec Rénal Gagné? Oui. Un autre épais. Première phrase. J'enveloppais comme épais. Non, c'est quoi? J'enveloppais comme dans un épais. Arrête d'envelopper l'épais. Dépaissis-toi. Alors arrête d'amener de la crème. Plus de crème, plus d'épaississement. Hey, c'est vrai, ça? ou plus de, on peut mettre de la farine aussi pour épaissir. Ah, il y a plein de choses pour faire épaissir. Si tu ne la fermes pas, mon épée, on va commencer à caraméliser. Oh, Champs-Élysées, on vous l'a réparé, monsieur. Merci. Vous étiez des nôtres, là? Une rencontre comme la nôtre, il n'en existe pas deux. Ou ce n'est pas celui des autres, c'est la rencontre de nous deux. Sans leur parler, vous savez dire. Première phase, j'ai enveloppé. Là, les gens ne savent plus ce qui se passe, là. OK. Il y a Bukowski qui vient de rentrer en nous, enfin de rentrer dans cette émission, dans ces heures que vous êtes avec nous, parfois, quelquefois maintenant. Et voyons donc, oui. Non. La transe doit être translucide. Ça doit se voir de partouze. Arrête de dire partouze, là, ça me tente. OK, ça tente. OK. Arrête de dire OK. OK, oui, tico, oui. J'étais sur mon bateau, tralalantissalant, sur mon patatato, tralalantissalant, sur mon patatitata, sur patatato, oui, oui, du, OK. Pas facile, cette émission-là. Pas facile. Il n'y a rien de facile. Et ça, c'est vrai, il n'y a rien de facile. Quoique, tout peut être facile. C'est le genre humain qui la complique, la vie. Ça peut être tellement simplifié, tellement intéressant, tellement festif. Mais là, c'est nous autres. Là. On se dit, non. Hey, voyons donc. Hey, tout le monde, là, est sous l'antidépresseur. Oui. Moi, le compresseur vient de lâcher. Ma femme vient de me laisser. Les enfants viennent de me quitter. Et je me sens comme un être dégonflé. Ma foi, je suis malade. Oh, complètement malade. Parce que ma mère me sortait le soir. Qu'elle me laissait seule avec. Ça se passe. OK, arrête. Alors, c'était « J'enveloppais ma bite en... » Ah, monsieur, c'est quoi ça? « J'enveloppais ma bite ensanglantée dans une serviette et téléphonée au médecin. » Allô, médecin? Il semble que ça a le même nom que le technicien. Ça finit par sien. Vous êtes des miens? Non, il n'est pas des miens. Vous êtes des chiens? Non. Des. Qu'est-ce que je viens de dire là? Censure? On peut plus couper. On est dans la chenoule. L'avez-vous senti, la chenoule, monsieur? Hey, j'ai la chenoule qui fait mal. Est-ce que c'est normal? Parce que là, je l'ai enveloppé. Doit-on faire ça? Pour couper le sang, parce que si on le coupe pas, ça oint. Ah oui, elle demandait ce qu'elle voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien cesser de saigner. Ah ben, cesse bien de saigner, mon agrément, mon ami, tout rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui saignent puis qui saignent. Il y a des hommes de rien qui saignent puis ça me fait rien. Ah oui, sans se presser, mais s'entraîner. Il faut y aller, il faut quitter. On n'y voit pas à deux pas, mais il ne s'en fait pas, il avance.

yours? Come on, Andy, say yes! Shoot, shoot, shoot, Andy! Dis-moi oui!

pied de l'escalier, tu pourras t'allonger. Et tu sais, le hamon est à nous, tout à nous. Tu en joueras comme ça. Mais c'est déjà l'aurore et les volets soupirent. Dans ma main, pas la clé que ton cœur va ouvrir, celle de ma boîte à musique. Ma boîte à musique. Mille je t'aime qui dure le temps des fleurs, des porcelaines qui cassent au fond du cœur. Mais toi, c'est pas pareil. T'es mon amour, je t'aime la nuit, le jour. Cette vie moderne, mais moi l'amour, je le préfère à l'ancienne, avec les souvenirs qu'on se rappelle, les vieilles photos en guise d'immortel. Aujourd'hui l'amour c'est comme les roses, ça dure à peine le temps qu'on en cause, et les caresses sont faites au laser, comme les morts et comme les éphémères. Mais toi, c'est pas pareil. T'es mon amour, je t'aime la nuit, le jour. Bah, j'essaierai de... je sais pas, un truc assez standard, enfin, j'aimerais bien,